Les cours pour apprendre les langues se font en ligne par séance d'hypnose. Hey, je le sais. C'est qui hypnose? C'est quoi hypnose? C'est-tu l'éveil, hypnose?